Qui est-il? Ça, je n'en ai aucune idée. Une espèce venue d'ailleurs, créée à des millions d'années-lumière de la Terre, les galaxies. Comment s'appelle-t-il? Leroy-Kenya! Au secours! À l'aide! Eh oh! Y'a violence là! Come on! Fight! Come here! Your intro to reducing to you! To you! Leroy! Kenya! Qu'est-ce que c'est? Un nouveau genre musical! Bonsoir au Maro, force de frappe au top sur le mic, lâche ta garo, pas ta soiro, fond dans la salle, écrit dans Guaro, plus agile aux quatre coins du globe, et comme un Navarro, j'enferme les vitres inutiles, qui me pollue derrière les barreaux, possède la féerie, de fond ta garo, désormais garo, new rap flavor, n'a pas besoin de tarot, ton avenir c'est que je te laisse sur le carreau, regardant que le barreau, maître affiche qu'on va te voir au fond du puits aux vêtements coulants comme un libaro, éclipse-toi et laisse-toi moquer le cage, oppresse comme Caro, Lynn, lâche la Zaro, tu finis au fin fond, avec du ferro, Yep c'est qu'au tour ton couillat j'ai le carreau, mon esprit est marié à la scène comme elle est un Figaro, pas de pot, LWROY sort du lot, vive le Saiyan Subaco, intrépide comme Mulot et comme Nulo, mandi les sous des bourdes folle du culot, regarde à l'horizon, j'organise ta bande des ans, mieux vaut que tu trouves la raison. Tu lui fais preuve de trahison. Regarde à l'horizon. J'organise ta bande des ans, mieux vaut que tu trouves la raison. Tu lui fais preuve de trahison. Assez pleuré, pas le train qu'faut pas te leurrer. Fais hop ta face, ta peur est saurée. But effleuré, le cœur est pénétré comme une entrée, libre en phase amusée. Les clés du paradis, possède un double mais j'peux pas le prêter. Laissez tomber, la tombe a fait sombrer l'issue du combat plombé. T'es haut en bas, laisse traîner les corps macabés. Fonce dans l'abîme, les trop beaux trocos deviennent infirmes comme ça, j't'abîme. Le mental fonce sous la pression quand il s'opprime. Va chier, face au vent, tu restes pas longtemps caché. La MORT se fâche et retrouve les sujets sous le rocher. Sachez que tenter le mal est tantôt synonyme de santé. Quantôt pas très content, pourquoi tenir de tels potes en mythe encanté? Passer de ce côté moche de cité, style karaté comme un kata sauté. Prends tes clics et tes claques pointo. Chômage de rue, fais tes rodka pour ta santé. Style mec, pas net, squatte le pavé pour pas se faire des pistes. Regarde à l'horizon, j'organise ta pendaison. Mieux vaut que tu trouves la raison. Tu lui fais preuve de trahison. Regarde à l'horizon. J'organise ta pendaison. Mieux vaut que tu trouves la raison. Tu lui fais preuve de trahison. C'est assez spécial son truc, hein. Je ne vous le fais pas dire. C'est un spécimen hors du commun, qui est fort connu de nos services de recherche. Personne à ce jour ne soupçonnait qu'une telle énergie puisse exister. Il y a, dans cet univers, quelque chose d'anormal. Ah oui? Mais qu'en est-il, professeur? Laissez passer la MORT, s'fâche bien t'effacer naissez. Abse le cachot, faut que t'encaisses la paix. C'est bien trop difficile de recommencer dans la fosse des bétons comme c'est drôle pour moi. T'es forcé de rester caché dans le fond, car c'est que tes funérailles désormais sont avancées. Face au passé, la vie paraît plus courte qu'un kill décossé. Façon, tous dans le même sac, plus de vos serres, trop de meurs sort du darkness. Sous saute en 3 secondes plus vite comme un S. Stupide copie, évite le pavé comme on évite un képi. Ou tant pis, reste accroupi, tourne comme une toupie. Squatte le tapis, tout comme Winnie dans un numéro de pomme d'api. Comme Snoopy, pire pas tout comme Groupie. Faut que ça change. Von tel autre trompaya comme un os. Ici, Balkou ne fait pas qu'une bosse mérite. Si les gosses diminuent le score en te faisant marrer. Regarde, il pleut à torrent. Ton âme va joindre les mourants comme c'est marrant. Regarde à l'horizon. J'organise ta bande des ans. Mieux vaut que tu trouves la raison. Tu lui fais preuve de trahison. Regarde à l'horizon. J'organise ta bande des ans. Mieux vaut que tu trouves la raison. Si tu fais preuve de trahison, pour le Saiyan Subaku, OFX, Explicit Samurai, le Spectre, Simple Spirit, pour OKSY, DJ Fun, pour Nubs, Mafia 13, DJ Eva, pour tous les crews. Bye bye!